Ah, c'est vous, mon cher enfant, dit le père Goriot en reconnaissant Eugène. Allez-vous mieux? Demanda l'étudiant en lui prenant la main. Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. Avez-vous vu mes filles? Elles vont venir bientôt. Elles les accourront, aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soigné, rue de la Jussienne. Mon Dieu, je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. Il y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes mottes. J'entends Christophe, lui dit Eugène. Il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. Bon, mais comment payer le bois? Je n'ai pas un sou, mon enfant. J'ai tout donné, tout. Je suis à la charité. La robe lamée, était-elle belle au moins? Ah, je souffre. Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Moi, je n'ai plus rien. Je te paierai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du garçon. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas, Christophe? Vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser, les voir encore une fois avant de mourir. Dis-leur cela, mais sans trop les effrayer. Christophe partit sur un signe de Rastignac.